ange est venu me voir, me sortir de mes rêves pose sa main sur ma bouche, y dépose ses lèvres. Tendrement contre mon cœur, il m'a parlé de toi. Il m'a dit que tu allais bien, que tu ne reviendras pas. Un signe des ailes blanches qui dit qu'il faut partir. Quand moi j'étais que sanglot, il m'a fait un sourire. De jour en jour, chaque soir, faut que le soleil se couche. Toutes les plus belles choses au monde ne valent pas ta bouche. Je suis le Christ, et toi, tu es ma croix, et ça fait rire. Je suis le Christ, juste un con planté là, d'avoir trop aimé les autres. Je marche au milieu des foules qui me jettent des pierres. Triste radeau sous la houle, bienvenue en enfer. Et si l'amour a planté, oui, des clous dans mon cœur, c'est qu'une seconde à t'aimer vaut des siècles dans la douleur. L'ange aux allures de la mort m'a dit l'heure est venue. Mon enfant ne regrette rien, l'amour tu l'as perdu. Alors moi je vais sans regret me planter sur ma croix. Dire que oui, peut-être un jour, mais toi, tu reviendras. Je suis le Christ, et toi, tu es ma croix, et ça. Trop aimé son nom.